Alors, bonjour tout le monde. Merci du coup à Grande Zéro et à Paper Melody pour l'accueil, pour l'organisation. Merci aussi à Idoine de m'avoir invitée. Et merci aux personnes qui sont là, qui sont venues. Alors, moi je m'appelle Jeanne, je suis artiste. J'ai aussi écrit un livre du coup, donc, qui a été publié chez Idoine. Et ce que je vais vous lire aujourd'hui, je vais vous lire donc deux petits textes. Et après, des poèmes, de recueils de poèmes que j'ai fait à différentes années. Alors. Donc le premier texte, il s'appelle « Ça m'a sauté aux yeux ». Ça m'a sauté aux yeux. Comme on saute sur une bonne affaire, on s'y jette. L'urgence de la rupture de stock. Rupture. Violent comme mot. La fin de quelque chose. Ça sonne brutal. Mais il n'y aura jamais de vraie rupture de stock. Le stock est infini, rien qu'à regarder les portes-containers qui arrivent chargés à bloc par centaines. Le leurre du mot, rupture, stock, fini. La peur du manque. Tout doit disparaître. Une injonction qui n'arrivera jamais. Dommage, et tant mieux. Deuxième texte, c'est très court. Tout ce qui brille n'est pas d'or. Tout ce qui brille n'est pas d'or. Comme ces putains de couverts à laver, dans cette eau qui n'a jamais été changée depuis des lustres. On les sort du seau et hop, dans le bac. On lave deux fois, toujours. C'est toujours crade, les couverts. Même quand ils sortent, avec la fumée et la buée de la machine. Et puis on les prend. On se crame un peu, alors on utilise le torchon. On les frotte et hop, ça brille. Certains sont plus durs à faire briller que d'autres, encrassés par le fromage, les glaces, les patates. Alors on frotte plus fort, jusqu'à ce que ça brille. Il faut que ça brille. Tout ce qui brille n'est pas d'or, me répétait souvent ma mère. Pourtant moi, j'aime tout ce qui brille. Je sais pas pourquoi, mais ça m'attire, même ces putains de couverts qu'ils sont beaux quand essuyés et rangés dans l'autre bac, celui de la salle du restaurant. Ça brille, ça claque, ça donne envie. Ça ferait oublier d'où ils viennent. De cette eau du lave-vaisselle à moitié croupie qui me dégoûte quand j'arrive le matin. Cette odeur d'eau chaude sale mélangée au fromage. J'ai même l'impression que mes cheveux sentent cette odeur. L'eau brûlante du lave-vaisselle. Ma mère aussi déteste cette odeur. Ça lui rappelle l'internat, elle m'a dit. C'est pour ça qu'on n'a pas de lave-vaisselle à la maison. Et maintenant, des petits poèmes. Alors cela, c'est octobre 2019. Pourquoi la mort ? De Jérôme Bélesta, de Louis XVI, de Kadhafi fait peur. Et celle de Ripley Station 19 est taboue ? Celle de Marie-Antoinette est triste. Pourquoi la mort de Sardanapale est un tableau romantique ? Pourquoi tu ? Pourquoi tu parles pas ? Tu dis ça, tu réponds ça, tu danses quand tu marches. Tu pleures, tu es moche, tu mens. Pourquoi tu forces ? Crie, parle plus. Il me regarde. Il me regarde de loin, de haut en bas, droit dans les yeux. Dans les yeux. Tout le temps. Il me regarde dormir avec insistance. Pourquoi tu ? Pleure, m'aime, cours, tous, gâche ta vie. Pourquoi tu vis ? Dis que tu m'aimes alors que moi-même je me déteste. T'es là, pourquoi tu restes ? Pleure, bande d'annonces. Cours en criant police au secours. Rabaisse toujours les filles dans tes clips. Pourquoi l'âme ? L'amour rend aveugle car l'ammoniaque est un solvant polaire. L'amour fait souffrir car l'amidon colle. L'amour ne suffit pas, car l'amour est dans le pré n'est plus diffusé 2019. Je suis partout, parti, ravi. Cas contact, positif au Covid, mort. Je suis une légende de. Pourquoi elle ? Elle m'ignore, mais me regarde dans les yeux. Elle veut me rendre jaloux, mais regarde mes stories. Elle ne me relance pas, mais ne like pas mes photos. Pourquoi elle et pas une autre ? Pourquoi tu ? Pourquoi tu mens, tu m'aimes, tu cours, tu ris ? Tu as supprimé le message. Pourquoi elle ? Elle m'écrit tous les jours, me bloque et me débloque. Regarde mes stories mais ne me parle pas, m'ignore du jour au lendemain, me trompe mais reste avec moi. Pourquoi elle et pas une autre ? Et voilà, c'est fini. Et en fait, juste pour vous contextualiser un peu le truc, du coup, donc les deux petits textes au début, c'est des textes que j'avais écrits un peu, on va dire, en écriture automatique, où juste me disais, allez, je me mets un timer et j'écris pendant 7 minutes. Et c'était vis-à-vis de travail que j'avais fait dans la restauration ou d'autres choses. Et en fait, tous les petits poèmes, là, c'est des poèmes que j'ai écrits avec les top recherches Google. Et en fait, j'avais commencé, je crois, en 2017, où en fait, c'est pour ça que je m'étais jeûneux. Et en fait, comme ça, on voit un peu tout ce que les gens y recherchent, les top recherches. Et en fait, je faisais ça à différentes périodes. Comme ça, on peut voir un peu comment il y a des préoccupations du coup, qui évoluent et d'autres pas du tout. Et c'est pour ça que des fois, ça donne des trucs un peu bizarres, en fait. Et vraiment, je gardais vraiment toutes les top recherches. Et des fois, je rajoutais des petits mots, genre « et »,« car », »,« pour ». Mais sinon, c'était vraiment ça. Et je trouvais ça pas mal intéressant, puisque ça faisait vraiment un peu, justement... voir un peu les préoccupations actuelles. Des fois, là, je ne les ai pas tous lus, mais des fois, ça parle de la pénurie de beurre. À un moment, il y avait eu ça, donc c'était pourquoi la pénurie de beurre, et après, ça enchaîne avec plein d'autres trucs. Et voilà, je trouvais ça marrant et intéressant de faire justement des poèmes comme ça avec les top recherches. Et merci.